t'as là. J't'ai attrapé la main dans le sac. Je t'ai bloqué, j'ai coupé tout contact. J'ai entendu tant de promesses sans acte. J'ai entendu tant de promesses sans acte. Pas d'aller-retour, pas de passe, passe. Tu pars à la chasse, donc tu perds ta place. T'as brisé mon cœur tel un brise-glace. Faut tout. Une fois à deux, t'es distant. Tu fais le mec charmant, pourtant toujours tu me mens. Je suis pas la troisième roue du carrosse. T'es parano, tu t'enfonces. Je t'imaginais déjà mettre genoux au sol. Pour qu'au final ce soit une autre qui te console. Tu m'as vendu du rêve, je consomme. Oh, tout tes mots doux. Dire que j'étais folle. Dis-moi ta rêve, love, moi que ta rêve tout. Tant que les éveils, toute tristesse, ou tout lève, tout. Moi, continuer de naviguer, même l'envoyer, t'es en autre trou. Aller ou là, ou qu'à pléguer, moi, en tout bout, t'as qu'à faire zoo. Bien qu'à mentir, mais seulement les ou pas qu'à. Et vous-même, ou qu'à sentir, qu'elle fait fort ou pas capable. Faut que laissez-moi tranquille, vivez vers ces trop taka. En qu'elle dit love, la tant pis, continuez, dis wa que t'as là. Love en entre technique, on peut pas t'aimer au tout près. Fuck trip, chérie, on est trop toupé. Ou qu'à crier, moi, toxique, mais c'est moi, ou qu'à tout fait. J'en fais un texte, pis même j'en dois me tourner. J'suis à toi et toi t'es à moi. Mais j'crois pas qu'on va y arriver. Même si j'ai mal sans toi, j'ai plus foi en toi. On a plus rien à